père est là, c'est qu'il y a vu un avenir. Et si ma mère est là, c'est parce qu'elle a suivi mon père. Si je suis là, c'est parce qu'on m'a fait sur cette terre. Et cette terre est la mienne parce que j'y ai des frères et sœurs. Je suis l'étranger, venu vous déranger. Tous les jours je me bats pour être en marge de vos rangées. C'est un communiqué pour ma communauté. À quoi bon la richesse d'un jour si c'est pour finir me noter? Mes parents m'ont dit, bats-toi deux fois plus que ton voisin. Parce qu'il faut deux fois son courage pour avoir le même jardin. Parce qu'il te faudra deux fois sa volonté. Ils appréciaient les indigènes quand ils étaient domestiqués. Tu vis chez le colon, ne l'oublie pas. Je le sais jusqu'au dernier souffle et ce depuis le premier pas. Si tu me parles de race, je suis de celle des guerriers. Je serai le premier à combattre contre celle des derniers. D'origine Algérie, Italie, représente l'immigration mal vue dans ce putain de pays. On bosse, on cotise pour eux, on trime, on meurt et eux veulent nous voir dehors. On enrichit, on construit cette putain de nation. On voit français une fois qu'on tape dans un ballon. TBS clan, autant chez nous que vous. Car sans nous, il n'y aurait plus de vous. Je suis chez moi car votre beau terrain appartient à tout être humain, à tout être vivant. Regarde-nous de travers, sache qu'on lâchera pas l'affaire. Dans ce pays de fou, je suis prêt à faire mon trou. Lyon, ma ville, je suis né ici et je compte bien y tracer ma route. Je lève mon dos en plaqué pour les mots d'or, je lève mon chromé. Pour les brûleurs mosqués, le destin se force et les barrières s'enfoncent. Parce que les lois se violent et que le torse se bombe. Si les mentales se forgent, la société s'effondre. Je chez moi et je bougerai pas. Sois descendant, c'est rite ou pas. Si haut et fort, il se fera pas. C'est indécent de s'exprimer tout bas. Mais c'est ce que font les tout bas de nous en nous diabolisant dans les médias. Les aides sociales ou bien le tas. Le TP, la maçonnerie, les allogues, les ascétiques et le stup. Même le pourcentage sur les ventes du shit. Donc on est vraiment à bord des citoyens à part entière. Avec des droits, sur qu'on mérite une part entière. Pas beau qu'à payer des impôts, aller au front ou la prison. À ce qui paraît, ma race albéniste d'arabe est talon. T'as tel ballon, c'est tous faire, mais très peu y accéderont. Alors avec pas coup d'octorant, la mettra derrière tous les bureaux. Allons citoyens de la patrie, marchons ici, c'est la maison. On va arracher la justice. Le cadre de la loi nous empêche d'être pleinement ce qu'on est. On va arracher la justice, vous serez toujours considéré comme citoyen de seconde zone. On n'était pas simplement étrangers quand on arrivait en France à l'époque. On était étrangers et indigènes. On va arracher la justice. Une troisième génération qui, elle, va rentrer définitivement dans le paysage national. On va arracher la justice. On va arracher la justice. On va arracher la justice. On va arracher la justice.